La surprise et la consternation de ce pauvre marquis ne peuvent se rendre. Il ne savait qu'en penser. Mais son incertitude ne dura que le temps d'aller au bout de la ville à l'autre. Il ne rentra point chez lui de tout le jour. Il erra dans les rues. Sa belle-mère et sa femme eurent quelques soupçons de ce qui s'était passé. Au premier coup de marteau, la belle-mère se sauva dans son appartement et s'y enferma à la clé. Sa femme l'attendit, seule. À l'approche de son époux, elle lut sur son visage la fureur qu'il possédait. Elle se jeta à ses pieds, la face collée contre le parquet sans mot dire. « Retirez-vous » lui dit-il, « infâme, loin de moi !» Elle voulut se relever, mais elle retomba sur son visage, les bras étendus à terre, entre les pieds du marquis. « Monsieur, lui dit-elle, foulez-moi aux pieds, écrasez-moi, car je l'ai mérité. Faites de moi tout ce qui vous plaira, mais épargnez ma mère. « Retirez-vous, » reprit le marquis, « retirez-vous, c'est assez de l'infamie dont vous m'avez couvert. Épargnez-moi un crime. » La pauvre créature resta dans l'attitude où elle était et ne lui répondit rien. Le marquis était assis dans un fauteuil, la tête enveloppée de ses bras et le corps à demi penché sur les pieds de son lit, hurlant par intervalles, sans le regarder. « Retirez-vous !» Le silence et l'immobilité de la malheureuse le surprirent. Il répéta, d'une voix plus forte encore, « Qu'on se retire! Est-ce que vous ne m'entendez pas ?» Ensuite, il se baissa, la poussa durement, et reconnaissant qu'elle était sans sentiment et presque sans vie, il la prit par le milieu du corps, l'étendit sur un canapé, attacha un moment sur elle des regards où se peignaient alternativement la commisération et le courroux. Il sonna. Des valets entrèrent. On appela ses femmes, à qui il dit « Prenez votre maîtresse qui se trouve mal, portez-la dans son appartement et secourez-la. » Peu d'instants après, il envoya secrètement savoir de ses nouvelles. On lui dit qu'elle était revenue de son premier évanouissement, mais que les défaillances, se succédant rapidement, elles étaient si fréquentes et si longues qu'on ne pouvait lui répondre de rien. Une ou deux heures après, il renvoya secrètement savoir son état. On lui dit qu'elle suffoquait et qu'il était survenu une espèce de hoquet qui se faisait entendre jusque dans les cours. La troisième fois, c'était sur le matin, on lui rapporta qu'elle avait beaucoup pleuré, que le hoquet s'était calmé et qu'elle paraissait s'assoupir.